Non, mais je pense que dans les dernières années, on l'a échappé du regard. On a tellement bâti de logements dans la couronne nord. Le problème, nous autres, c'est l'axe nord-sud. Ils ont tellement... Il y a 4000 logements qui ont poussé en l'espace de quelques années. 4000 habitations où je suis, là, je le sais. Là. Et malheureusement, la seule voie qui aurait pu nous aider, Robert Bourassa, ben ils nous ont enlevé une voie pour les autobus. Alors, on est rendu avec une voie de moins. À 250 millions de dollars plus tard, ils en ont retiré pour les bus. Et moi, je pense que c'est pas la solution. Et là, il va falloir se jaser. Michel, tu dis ça à personne à Montréal, toi, là, que c'est rendu pire à Québec, là. Tu répands pas ça, OK? Non, je vais garder la bonne nouvelle pour nous autres. Salut, merci beaucoup. Je vais juste dire, allez pas à Québec. C'est pas ça! Bonne journée, salut. Hey, faites attention à vous autres. Bye-bye. Et hey, puis, oubliez pas, ça doit commencer en fin de semaine, opération Nez Rouge aussi dans la région de Québec, hein? Oui, merci de le rappeler. Excellent, ça commence ce soir. Salut. Michel Millard, c'est le Mario Hudon de Montréal à CKC 730. Moi, je suis Michel Millard parce que ça fait plus longtemps que moi qui parle. OK, il faut dire ça. T'es le Michel Millard. Finalement, ce que je comprends, là, c'est qu'il faut envoyer ici l'hélicoptère TVA. Oh. C'est là qu'est le gros du crunch. Là. Honnêtement, je me doutais un peu que c'est pour ça que je l'ai fait à matin. Je l'appréhendais. Selon lui, 20-25 kilomètres. À Montréal, tu fais ça en 30 minutes. Grosso modo, c'est ce qu'il nous a dit. Que ce soit Saint-Hilaire, Blainville, donc le Rive-Sud ou Rive-Nord, tu peux, un matin normal à Montréal, à l'heure de pointe, franchir le trajet en une 30 minutes 45. Il n'est pas rare à Québec maintenant que c'est du 45 minutes, une heure, pour faire des trajets similaires. On est en train de l'échapper. Du kilomètre, on est sans doute plus lent qu'à Montréal, parce que bon, il y en a qui vont partir de beaucoup plus loin dans la région de Montréal, on l'a mentionné, là. Mais nous aussi, aussitôt qu'on a un petit accident. Tu sais, eux autres, c'était une poutre, là, c'est le pont complet là, qui le cause de gros problèmes. Mais les autres, rappelle-toi, on a un accident quand t'arrives sur la Rive-Nord en sortant du pont Pierre-Laporte, puis on est. Tu le dis, si ça arrive tôt le matin, on est pour l'avant-midi, c'est clair que ça va être compliqué. Là. Mais on peut envoyer ça à Sylvain Gaudreau, ça changera rien. Lui, il est dans le dogme, il est dans la religion. Puis là encore à matin, c'est quoi l'histoire des appels au calme partout là? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un meurtre là sur Robert Bourassa? Désobéissance civile. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un de prendre la voie réservée aux autobus, c'est d'inciter les gens à la désobéissance civile. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai déjà dit en onde que je l'aurais fait. Un matin, là, quand c'est vraiment jamais, je l'aurais fait. C'est mes affaires à moi, c'est mes oreilles, c'est mon portefeuille. À un moment donné, là, bon. On a jamais demandé aux gens de couper les bus. C'est des auditeurs qui ont appelé pour dire qu'ils ont fait ça. Ouais, mais c'est ça, c'est un fait. Il y a des gens qui ont appelé ici pour dire qu'ils l'ont fait. Moi, j'ai répété de pas s'en prendre aux chauffeurs 20 fois. Encore un matin, Régis Labeaume, calmez-vous. Là, calmez-vous. C'est parce que les gens sont en crise pour vrai. Pouvez-vous donner des solutions ou lui dire calmez-vous? Comme si on était des petits bébés. Ah, calmez-vous, arrêtez de chialer. Hey, c'est un scandale, Robert Bourassa. C'est une insulte, c'est une injustice totale envers les automobilistes. On vient de prouver que c'est rendu pire qu'à Montréal. Mais là, le message de Labeaume, de Gaudreau, de tout le monde, c'est calmez-vous. Ben non, on se calmera pas. Et on partira pas en guerre contre les chauffeurs. C'est pas de leur faute. C'est pas là que ça va se jouer. Mais non, on se calmera pas. Là, je vois la spin, là, servir un peu de quelques petites affaires. Il y en a qui ont eu des idées un peu extrêmes. Puis là, ils veulent tout mettre l'accent là-dessus. Le soleil est là-dedans. Puis tout le monde. Puis bon. Qu'est-ce qui est Régis Labeaume là-dessus? Juste dire à ceux et celles qui sont fascistes ainsi, là. Faut pas se venger sur Robert Bourassa parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit le gouvernement sur Henri IV, là. Faisons la différence avec les deux. Et je dirais à tout le monde que s'il y avait un accident, il y aurait des responsabilités qui seraient imputées à bien des gens, là. Alors, soyons prudents. On se calme. Il y a du danger dans ce qui se passe. Il y a des gens qui devraient pas dire ce qu'ils disent. C'est dangereux, le climat, actuellement, là. On parle de sécurité publique. C'est pas une bonne idée. Bonne journée. Ça va bien? Non, mais on fait quoi, là? Là, si on peut plus chialer, c'est juste parce qu'on chiale, on n'est pas content. Puis calmez-vous, c'est dangereux. S'il y a des accidents, ça va être de votre faute. S'il y a un accident, ça va être de la faute de celui qui l'aura provoqué. That's it. Et non, là, il n'y a personne ici qui est allé dire aux gens de provoquer des accidents. Les seules idées, moi, les idées que j'ai sorties ici, je les assume encore 100%. Se louer un autobus, puis rouler à 10 km sans voix. Ça, je l'ai soumis, puis j'y pense encore. Parce que c'est légal. Il y a rien qui m'empêche un matin, je me prends un autobus scolaire, puis go, je paye le chauffeur pour qu'il roule à 10 km. Je sais pas. C'est des idées qui ont été soumises. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. C'est une manif. On ralentit le trafic. Ben, je suis même pas sûr que tu ralentirais la voie réservée tant que ça, là. Peut-être. Ouais, quantité d'autobus qui passent là-dessus, même si tu as un autobus, toi, qui roule à 10 km. Oui, il en passe tellement pas. C'est ça qui est chiant, t'as raison. C'est tellement injuste. Mais ce qui fâche des gens, Sylvain, je pense que tout le monde, on s'en fait parler. Ce qui fâche, c'est qu'on veut Laurentienne et Henri IV mettent une voie réservée. Alors qu'il n'y a pas de bus. Il n'y en a pas de bus, il n'y a pas de parcours, là. Mais c'est lui qui met l'huile sur le feu. Le grand responsable, c'est pas moi, là. Il essaie de me faire porter le chapeau là-dedans. Ça n'a aucun rapport. C'est Sylvain Godreau, les péquistes puis les environnementeurs, avec le voie réservée sur Laurentienne, sur Henri IV, sur Robert Bourassa. Les gens sont fâchés et c'est eux qui provoquent la colère des gens. Puis s'il y en a qui sont rendus, qui coupent les autobus, on n'a jamais dit que c'était une bonne idée, mais c'est pas de notre faute, c'est la faute à Godreau et sa gang. Mais là, eux autres, là, le message, avec l'aide de certains médias bien biaisés, c'est de dire, c'est les radios, l'FM 93, puis on se fermera pas la gueule. Oublie ça. On lâchera pas, d'ailleurs. Si Régis Labeaume, si lui aussi embarque là-dedans, puis calmez-vous, puis on sait bien, là, vu que ça sort d'ici, il est pas content. Ben, s'il y a une bonne idée, moi, je vais la prendre. Là. Avez-vous une meilleure idée pour se battre? Parce que les gens ont le goût de se battre. Ils sont fâchés. Tous les jours, il y en a qui me racontent 45 minutes sur Robert Bourassa, bout, j'ai compté 5 bus. T'es là dans la voie de gauche, je les vois passer dans ma face, ça m'écœure, ça m'insulte, c'est moi qui a payé pour les rénovations, c'est moi. Les gens sont fâchés. Et on relaye leur colère. Puis moi, je pense qu'il faut se battre pour faire de quoi? J'ai pas encore choisi mon idée. Plusieurs personnes montent des pages Facebook. C'est pas mauvais. Mais il y en a plein. Il y en a comme 4-5. Faudrait qu'il y en ait une. Faudrait que ces gens-là se parlent, puis faire une page Facebook, ce serait pas mauvais. J'ai déjà dit que c'est pas ça qui va faire plier Sylvain Godreau, mais trop fort, casse pas. Alors ceux qui font des pages Facebook, je les encourage. Faudrait peut-être les nommer, faudrait peut-être s'entendre qu'il n'y en a rien qu'une. Là, j'ai de la misère à en plugger une plus que d'autres, il y en a plein. Tu sais, on nous dit de ne pas encourager la désobéissance civile, mais Claude qui nous écrit, il dit, bizarre, dans le temps des carrés rouges et des casseroles, la désobéissance civile, c'était une bonne chose. Godreau, il y avait le carré rouge. Sylvain Godreau avait le carré rouge. Puis là, c'est rendu que, hey, le FM 93, wow, vous incitez les mondes à faire des shows. Alors, bon, et c'est sa patente, ses patentes vertes, ses affaires. Puis là, c'est scandale, c'est la fin du monde. La police est sur le bord de venir m'arrêter. Hey, arrêtez ça, là. Voyons, on va continuer à se battre. On vient, surtout avec ce que je viens d'entendre, que c'est rendu pire qu'à Montréal. Ça, faut pas que ça sache, là. Il faut le faire, mais publicisons pas ça. Moi, si j'étais à Montréal le matin... Ça sèche, au contraire. Mais non, pour nous autres, pour notre combat. Mais si j'étais à Montréal un peu mal intentionné le matin, je fasserais sur le clou. Mais, Québec, là, c'est rendu pire que nous autres, le trafic. Mais au moins, c'est sur une moins longue période. À Montréal, c'est... Tu sais, on va se défendre un peu, là. Montréal, c'est plusieurs heures de plus que nous autres, le trafic. Tu sais, c'est beaucoup plus tôt le matin. Ça se termine beaucoup plus tard que nous autres. Ouais, mais il rentre au boulot avant. Il faut toujours se défendre un peu. Une fois qu'il rentre au boulot, en une demi-heure, pas mal mieux que 45 minutes à une heure. Hey. Hey, Sylvain, il y a quelqu'un qui me rappelle quelque chose. Marc écrit studio à commercialfm93.com. Vous souvenez-vous, lors des moyens de pression de la SQ, ils ralentissaient le trafic sur la 20 et la 40. Souvenez-vous de ça, ils se mettaient deux voitures de police puis ils roulaient à 100. Puis il ralentissait tout le trafic, ça avait un peu en bas de ben, 100, oui. Ben oui. Ouais, peut-être en bas de 100. Souvenez-vous des cochons, ça avait? L'UPA? Ouais. L'Union des producteurs agricoles avec le cochon, ça avait? Ils ont pas. Les cochons, ouais, c'est puis t'as raison. Hey, les motocyclistes l'ont fait en passant. Mm-hmm. Les policiers, plein de monde ont ralenti le trafic. Moi, je veux le faire, puis ils vont m'arrêter. Arrêtez-moi. Désobéissance. Ah oui, les menottes, go, moi, allez me défendre. Qu'est-ce que ça sort? Il y en a qui ont mis des barricades. Je pense, à un moment donné, il y a eu des barricades. Ah, on n'a jamais vu de carré rouge bloquer des ponts, puis des routes, puis des pentes, puis etc. tout le temps. Puis mon gars drôle encore son carré rouge. Ouais, ma gang de gauchistes, je avec vous autres, brosse à merde, on aime ça. On va mettre Marois PM. Mais là, c'est sur Robert Bourassa. Ça fait 3 jours que TVA, Soleil, Journal de Québec, calmez-vous. Le FM 93 a parlé, calmez-vous. Hey, qui mange, là? Mais moi, dans ma toune, là, avant de faire un changement de sujet. Mais ça, c'est la faute du fédéral. Je les envoyer à toute la gang. Ben oui, ils sont sur le bord. Sur le bord de la faute du fédéral. Là, on va se défouler parce que c'est vendredi. Ma petite toune de défoulement, là. Après ça, il faut qu'on se trouve de quoi faire. Moi, je n'ai parlé, ça fait 2 semaines. C'est quoi ta toune de défoulement, au juste? Ah, ça, c'est pour tous ceux qui sont pognés dans le trafic à matin, là. Ça, là, si vous voyez passer des bus à côté de vous autres, là, pas mal, bien meilleure idée, là. Au lieu de lui couper la voie, là, vous baissez votre fenêtre, puis vous mettez cette toune-là au bout, dans le fond. Ça défoule. Juste pour dire qu'on lâche pas, puis on continue à se battre. C'est une page Facebook? Est-ce que c'est une pétition? Est-ce que c'est des moyens de pression un peu plus raides, genre ralentir le trafic, ce qui est tout à fait légal, ce qui a déjà été fait dans plein d'autres milieux? Qu'est-ce qu'on doit faire si on perd la bataille de Robert Bourassa? On perd Laurentienne et on perd Henri IV, j'en suis convaincu. Ralentir le trafic, on va être arrêté, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ralentir le trafic, on va être arrêté, là. Non, mais ralentir le trafic dans les voies réservées. Oh oui, dans les voies réservées. Oh oui, pour l'instant. Go, mettez ça dans le... Ça, on a le droit, ça. Encore. À tous les environnementaux. À tous les politiciens qui nous écoutent pas. tous les qui ont appuyé les carrés rouges puis qui nous traitent de fous parce qu'on veut se défendre à notre tour. Avec de la moutarde. Oui. Merci, 8h22. Voilà. Mais on va le, donc, écrivez-moi studio à commercial fm93.com. En passant, c'est ça qui est le fun, hein. Godreau, qui était totalement fermé au covoiturage, commence à faiblir des genoux. Et là, il dit, ouais, peut-être le covoiturage, on va regarder ça. Alors, voyez que ça marche. Ça, si on continue, si on lâche pas, moi, j'y crois que ça peut marcher. Mais il y a des gens qui vont essayer pour mettre fin à la contestation, nous faire passer pour des fous furieux. 8h22.